Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir mon assistant Sinistros, qui, comme vous le savez déjà, a fait comme les rats et abandonné le navire il y a déjà un certain nombre de mois. Malgré le fait que cet ignoble gobelin soit malodorant, crétin, sans talent, maladroit, menteur, conspirateur, oiseau de malheur, fourbe et surtout pestilentiel, il demeure mon cher gobelin parmi tous les autres. Il faut dire que je n'en reconnais pas d'autres. La soirée s'annonce longue. Pour tous ceux d'entre vous qui s'attendent à un spécial Saint-Jean-Baptiste, puisque nous sommes justement le 24 juin, eh bien non. Parce que nous, les réanimateurs, on n'en a rien à foutre de cette fête, qui, année après année, semble rendre les mortels à un niveau d'intelligence semblable à celui du fromage en grains. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsqu'ils se réunissent. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause Sinistros said so. Go! We'll be right back. Oh! Auto-Québec, des voix populaires du Festival de Trois-Rivières, quatre groupes pour le 4 juillet, The Franklin Electric, Marc DeMarco, Groenland et Half Moon Run. Ne manque pas le rendez-vous exclusif à Trois-Rivières de la scène Indie Rock. Pour plus d'informations, consulte le site web au festivois.com. Le Zénob, c'est un café-bar chaleureux. C'est la plus belle terrasse en ville avec un feu pour te réchauffer le cœur. C'est des spectacles toutes les semaines. C'est une institution à Trois-Rivières. Le Zénob, 171 rue Bonaventure. Consultez l'horaire des spectacles via la page Facebook du Zénob. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de C'est Fou. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Mathieu Plante. Ce nom vous est certainement familier. Il est reconnu mondialement pour ses chroniques à l'émission Assemblage requis. Malheureusement, les sondages prouvent que ce n'est pas assez. C'est pour ça qu'il a créé le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. La chronique Geek CLX, le segment télévisuel Television, en plus de C'est un fait Tech Edition, si vous êtes geek, c'est pour vous. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les lundis de l'été de midi à 14h. Pour connaître les heures de rediffusion, visitez cfou.ca. CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Well, je ne vous souhaite pas les bienvenus en cette dernière édition de juin de réanimation de l'heure de Disgrâce 2014, soit le 24 pour certains d'entre vous, dont je ne suis pas, fête de la Saint-Jean-Baptiste, activiste de votre beau pays. Cette semaine, comme je l'ai dit la semaine dernière, et comme je l'ai dit en début d'émission, en introduction, j'ai le plaisir de recevoir mon gobelin Sinistros. Tu vas souffrir, le Martin. Ah oui, le Martin. Martin avec un grand M en plus. Hey, ça fait 6 mois que Sinistros n'est pas passé à réanimation. Je l'ai dit aussi en ouverture d'émission. Il a fait comme les rats qui quittent le navire quand ça va mal. Je n'ai pas quitté le navire. Non, mais t'as pris le canot de sauvetage, par exemple. Ben oui, je ne l'ai pas laissé. Comment ça va, Sinistros? Ça va très bien. Oui? Oui. Comment ça? Ben, parce que je suis de retour à réanimation, au moins pour une émission pour t'écœurer. Ben oui, j'espère que tu vas bien le faire, parce que, honnêtement, ça me manquait pas du tout. Ah, ben, je peux m'en aller, tu sais. Tu peux. OK, c'est le la porte est juste là. Okay. C'est vrai qu'elle n'a pas changé de place. Là. Non. Il y a beaucoup de choses qui ont changé de place, comme ce disque-là n'était pas là la dernière fois. Hey, non. Hey, c'est vraiment le fun que tu aies eu le loisir de venir faire un tour à l'émission, parce que... Ben, je me suis dit, journée de Saint-Jean-Baptiste... Congé obligatoire un mardi. Ben oui. 1 + 1, ça fait 0. Alors, allons-y. Tout à fait. J'adore tes mathématiques. Ils sont semblables aux miennes, c'est-à-dire on n'arrive jamais. C'est cela. C'est vraiment bien. Sinistros, parce que ce soir, on a une mission qui est comme à l'habituel, tu te rappelles, une mission chargée. Il y a une petite nouveauté ce soir, j'ai Chronique Cinéma. D'ailleurs, on va parler de... On s'est suivi un petit peu à distance au niveau de certaines nouveautés. J'aimerais avoir tes feedbacks sur certaines nouveautés qui sont sorties, si tu les as écoutées. Donc, on va se parler un peu musique. Et tu nous as préparé 2 blocs, qui, comme je peux le voir, qui sont tout à propos de ce qui est la fête nationale, la soirée Saint-Jean-Baptiste. Ben, c'est très à propos, parce que dans un sens... J'admire le Québécois patriotique de 24 juin. T'sais. Oui, c'est ça, parce que le lendemain, c'est fini. Le lendemain, c'est terminé. La veille aussi, ouais. On est patriote seulement le 24. Alors, pour faire fi de cette niaiserie aberrante-là, ben on a décidé de passer, de pas oui. faire de Saint-Jean. Ben non, ben non, ben non. Tout ce qu'on va faire, c'est passer du bon métal qui va être gras et méchant à soi. Mais tu sais que la Saint-Jean, au départ, c'est une fête païenne. Mais bien sûr. C'était pour le solstice d'été. Alors, fêtons le solstice d'été avec du métal de barbare et d'épouvanterie, finalement. Tout à fait. Et avant qu'on procède à ta première présentation, on va y aller avec ce qu'on a entendu en début d'émission. Formation Massacre et la pièce As We Wait to Die, qui s'est tirée du dernier album Back From Beyond. C'est paru sur l'étiquette Century Media. Nous avions Autopsy, dernière parution aussi, la pièce Savagery, pièce d'ouverture de l'album Tourniquets, AXA and Graves, qui est paru également en 2014 sur Peaceville. Vader, dernière parution de Vader. Excellent album. T'as aimé Vader? Oh que oui. Ouais, ben, oui, c'est comme moi je le disais, lorsque j'ai fait je pense qu'il est encore sur la chronique de réanimation, je disais que si on aime Vader, généralement, c'est pas plus mauvais, c'est pas meilleur, c'est du Vader. Non, c'est une vitesse de croisière. C'est une vitesse de croisière. On sait à quoi s'attendre. Puis généralement, avec Vader, ceux qui aiment ça sont pas déçus. J'ai écouté aussi Massacre et Autopsy. Ouais. Ça, j'ai moins aimé. Ben, Massacre, j'ai trouvé ça comme très ordinaire. Là. Ouais. C'est pas une grosse patente. Là. Non, c'est pas une grosse patente. Par contre, la pièce As Way to Die, je la trouve très bonne. Oui, il y a quelques bonnes pièces dessus, mais dans l'ensemble, l'album, moi, je m'attendais à quelque chose de plus. Ben, c'est pas égal. Non, c'est pas égal. Autopsy, ben, ça reste dans le... Ben, tu sais, c'est un vieux band, hein? Ben, c'est dans la musique d'être que j'apprécie un peu moins. Ouais, OK. Bon, moi, tu vois, la pièce d'ouverture, je trouve que c'est la meilleure pièce de cet album. Donc, ça fait deux ou trois fois que je la passe. J'attends d'explorer un peu plus l'album, mais moi non plus, ça m'accroche pas tant que ça. Mais Vader, avec la pièce Eggs and Castle, qu'on retrouve sur le dernier album TB et Any, super bon. Une très bonne pièce, très bon album. Et on a ouvert avec la dernière parution également de la formation Acheron, formation américaine, et la pièce Rapture to Divine Perversion, qui est tirée du dernier album, comme je l'ai dit, Called Death Ashes, qui est paru sur Listenable Record. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, quelques petites vieilleries, mais des nouveautés aussi. Ben, des vieilleries, c'est pas si vieux que non, ça. Non, c'est pas si vieux que ça. Je vais y aller regarde dans... ça, 2013. Ouais, c'est pas mal vieux. C'est vrai que c'est vieux. Hein? non, j'y étais avec un bloc un peu plus titanesque. Où? Pour faire... Tu sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Non, mais c'est pas grave, je trouvais que ça sonnait bien. Parce que dans les faits, je vais te le dire ce que ça veut dire, titanesque. C'est un moment privilégié dans la vie d'un jeune garçon. Oui, c'est ça. Où est-ce que tout explose, finalement. <c'est... rire> Non, j'ai préféré vous faire part d'un bloc de métal musical, entre guillemets. Ah, ma foi, pratiquement symphonique par moment. Pas rien que par moment, par grand moment aussi. Par papa aussi. Oui, c'est ça. Alors, on va y aller avec une pièce de Melekech qui se font toujours attendre. Mm-hmm. Il semble que la dernière parution, 2010, ça commence à être long, c'est le temps qu'il se décide, le petit garçon-là. Effectivement. La pièce de Magicon and the Drones, c'est paru sur le dernier album de Epigenesis, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Nous aurons, pour suivre cette superbe pièce, une pièce de Rotting Christ. Nous aurons Triptychon avec l'excellent Mélana Casmata, c'est ça? Mélana Saint-Jean-de-Matin. Oui, c'est ça, Saint-Jean-de-Matin. Et on terminera avec une pièce de Septic Flesh qui est parue sur l'avant-dernier album The Great Mass, ce qui va faire un bon préambule à ce que tu veux nous présenter. Tout à fait, qui est le dernier album de Septic Flesh. Ben, je voulais pas le dire, là, mais là, ça, je l'ai dit. Rendu là, il fallait être un petit peu imbécile pour voir qu'il y avait une suite logique. Mais je voulais laisser voir les imbéciles, moi. Non, ils n'ont pas besoin de les voir. On les entend déjà. Okay. Allons avec Melekech. Go! Festivois, c'est bien plus que les spectacles sur les grandes scènes populaires. As-tu observé attentivement la programmation des bars, qui se veut audacieuse afin de souligner les artistes en émergence qui se sont démarqués? À chaque année, des voix rock, trad, poétiques et émergentes proposent aux festivaliers un horaire de spectacle qui permet la découverte musicale diversifiée. Une programmation de plus de 25 artistes dans 5 bars partenaires qui s'assureront que l'ambiance festive dans la ville se prolonge jusqu'aux petites heures du matin. Allez découvrir ou redécouvrir des artistes comme les Marinelli, Lord Laurie Adjust, Mac DeMarco, Pony, Solids, Rouge Pompier, Philippe Braque, Marc Bérubé, Antoine Corriveau, Big Brave, Mordicus, Gasoline et encore plusieurs autres. Pour plus d'informations, consulte le site web au festivois.com. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Raconte-moi ta ville. La couleur d'un quotidien en images accélérées. Budapest, Tokyo, Nouméa, Bogota, Chibougamau, Kingston, Saint-Pierre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Citoyens du monde, rêveurs invétérés, chaque semaine, un invité vous prend par la main et déballe avec vous les rues de sa ville, celle qui l'a marquée. Raconte-moi ta ville, animé par Chantal Carignan, tous les lundis, 18h. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Hunt Dead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM avec ce soir... Special guest, Sinistro. Oui, je suis rendu special guest. Ben, écoute, quand... je te paye pour que tu viennes. Là. J'imagine que je t'ai posé en quoi, par exemple? Non, mieux pas le savoir. Ben, tu vas savoir tantôt. OK. Dans la poignée de bêtises. J'en ai même un sac pour toi. Ah oui! Sinistro, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre. Comme cochonnerie. Ben, des cochonneries. Tu te rappelais des cochonneries usuelles? Ben oui. Ben, il y en avait un paquet ce soir. Je sais. Puis, on peut-tu juste avoir des détails sur les cochonneries? Ben, il y avait une cochonnerie grecque. Il y avait une cochonnerie suisse. Oui, une cochonnerie grecque encore. Oui, une cochonnerie grecque encore. Oui, c'est ça. Oui, OK. Bon, Septic Flesh avec Oceans of Grey, qui est paru en 2011 sur The Great Mass. C'est apparu sur Season of Mist. Mm-hmm. Triptychon avec l'excellent Altar of Deceit sur l'excellent Melana Kasmata. Oui. Ça, je peux qualifier de d'album presque parfait. Là. Il ferait partie de ton top 10. Ben, il va peut-être faire partie du top 5. Parce qu'à venir jusqu'à maintenant, 2014, il est pas mal dans le top en haut. Là, okay. Tu sais, avec ce que tu vas nous présenter tantôt. D'accord. D'accord. Rotten Christ avec Iowa Voodoo, qui est paru sur l'album Cataton Daimona Aitoy, qui est paru en 2013, également sur Season of Mist. Excellente pièce. Et Melekesh avec The Magician and the Drones, qui est paru sur The Epigenesis en 2010 sur Nuclear Blast. Blast! C'est un très bon album, Sinistros. D'ailleurs, c'est un excellent bloc, je dois le dire. Là. Il fallait que ça prenne 6 mois avant que tu reviennes pour enfin programmer des choses qui avaient de l'allure. Fait que tu comprends-tu ce que ça veut dire titanesque? Oui, voici, je suis d'accord avec le titanesque. Titanesque, ça va aller avec ton prochain bloc. Oui, qui je vous le présente à l'instant. Par contre, je vais faire une petite chronique mots croisés. Mots croisés. Ah, on a ça maintenant. Oui, on a ça maintenant. Et c'est ça. Mais comment t'as trouvé ça? Ben, c'était pas pire. Oui. Ah, pas... grand-mère a fait demander c'est qui Gustave, elle veut le rencontrer. Ah, Gustave! Ben, grand-mère va pouvoir le rencontrer tout à l'heure. Ah, oui, oui. T'es contente, grand-mère? Oui. Tu vas le rencontrer, Gustave. Gustave, c'est un fantôme. Ah. Tu sais que, malgré le fait que j'ai 666 ans, j'ai déjà écouté Bobino. Ben, moi aussi, c'est drôle. Hein? Et, ben oui, effectivement. Et ben je dois dire que Gustave était le fantôme qui travaillait pour Bobino, mais tu sais, ça fait quand même un bout de temps que Bobino il a fermé boutique là. Mmh. Puis à un moment donné, il est arrivé dans la morgue, puis il dit écoute, t'as-tu une petite place pour moi? Je dis, bon, je suis tanné d'entendre ta pageur. Sinistrose est parti, ouais, ok, c'est correct. Puis il vient faire son tour de temps en temps, mais il est souvent chez sa grand-mère. Ok. Mais pas grand-mère. Non, sinon, je l'aurais su. Effectivement. Le 8 juillet, nouvel album de Goat Horror. Ah, ça risque d'être intéressant. Moi, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah, ça devrait intéresser peut-être plus Sinistrose que moi. Ben, j'aime le côté trash noir. Ouais, c'est cool. Ben, c'est un peu blackish, cette affaire. Ben, blackish, c'est du black trash. Oh, ouais. 11 juillet, nouveau Gravedigger. Et le 26 août, ce sera le nouveau Opeth. On a amplement le temps de s'en parler. Oui, mais il y a un nouvel album d'Accept qui s'en vient, là, incessamment. Oui. Il s'appelle comme ça, d'ailleurs, incessamment. Oui, oui. C'est ça. La semaine prochaine, je vous présenterai le nouvel album de Origin qui porte le titre de Omnipresent. Il sort le 4 juillet. J'ai entendu quelques pièces là-dessus, puis mon cerveau a eu comme de la difficulté à comprendre le principe de cet album-là. Bon, écoute, j'ai un advance là-dessus. Je l'ai écouté attentivement ce matin même. Je peux te dire tout de suite que j'ai donné seulement un 7 sur 10. Parce que contrairement à ses prédécesseurs qui sont respectivement Entity, comme tu disais toujours. Entity, et puis Antithesis, il y a beaucoup de pièces très courtes. Il y a des pièces de même une minute dessus. Ouais. Ça fait trop punk à mon goût comme attitude. Et puis, il y a des très bons morceaux, mais je trouve que c'est un album qui est complètement inégal. Oui, ce que j'ai entendu, c'était dans le tapis. C'était vraiment... Ah ouais, ben écoute, c'est dans le tapis, effectivement. Puis je te dirais même dans le sous-plancher. OK. Là. Mais bon, bref, je le présenterai la semaine prochaine. On regardera un peu ce qu'il y en a à ce niveau-là. Connais-tu Channel Zero? Non. C'est un groove trash metal. Ben, perds pas ton temps avec ça, c'est pas bon. OK. C'est vraiment pas bon. C'est un album qui porte le titre de Kill Hawkins. Ben moi, à minute où il y a le côté groove... Il y a bien des chances que je laisse faire. Ouais, mais moi aussi, mais je te dirais, écoute, faut pas aller si loin que ça pour trouver du groove qu'on aime respectivement, toi et moi. Puis je parle de, on les a vus ensemble deux fois, on a même jasé avec le bassiste la première fois, au Fofounes électriques. Dungle Rock? Ouais, il y a du groove là-dedans. Ouais. Mais peut-être pas le premier qualificatif. Ouais. J'en conviens. Bref, Channel Zero, l'album Kill All King, je donne un 4.5. Musicalement, par moments, c'est intéressant, mais le vocal est bien fatigant, puis c'est très redondant. Incantation, je l'ai présenté la semaine dernière. Il y a un nouvel album de Corrosion Conformities qui sortait aujourd'hui, qui porte le titre de Nine, parce que c'est le 9e album. J'ai pas fini d'écouter ça encore. Est-ce que tu avais aimé son prédécesseur? Pas tout au complet, mais au moins 75%. Ben, tu devrais t'y retrouver à peu près pareil. OK. D'après ce que je peux en savoir jusqu'à présent. Ben, c'était pas comme l'autre avant. Là, non, pas du tout, parce que là, en fait, c'est le trio original des années 80. Pepper Keenan n'est plus là. Quoique son nom apparaît encore, mais il est beaucoup plus concentré avec Down. Donc, puis ça d'ailleurs, je vois que la photo n'est pas uploadée, donc je vais devoir le faire. Mais ça aussi, je le présente la semaine prochaine. Pour une 100e compilation pour Megadeth, là, regarde, Icon, là, c'est inutile à faire. On s'en contrebalance. Tout à fait. Un truc que j'ai essayé, qui est une formation italienne. Je trouve que les bandes death italiennes, généralement, sont bonnes. Sont bons, mais on a une tendance italienne qui s'en vient que le... autant qu'on les dernières années, comme en 2010-2013, on avait du très bon stock italien. Là, on dirait que là, les Italiens veulent trop faire comme le grand frère. Puis là, il y a beaucoup de clones qui s'en viennent. Là. Bon, écoute, ça consolide un peu ce que j'ai parlé par rapport à ce que j'ai découvert comme formation qui porte le nom de Gory Blister, qui est un technical death metal. C'est le dernier album qui s'appelle The Fifth Fury. C'est dilué. Ça n'a pas l'impact d'un Hade, par exemple. Pour moi, Hour of Penance, je sais que toi, tu as plus ou moins aimé Hour of Penance. Je l'ai écouté rien qu'une fois. Okay. Là, moi, j'ai bien aimé. Ça n'a pas cet impact-là. Et le vocal est franchement fatigant. C'est un vocal qui est très, je dirais, qui fait plus trash old school. Dans ce genre de death-là, ça fit plus ou moins. Je donnais seulement un 6 sur 10 là-dessus. Puis, honnêtement, je ne crois pas le présenter à l'émission. Bref. Par contre, une chose que je vais vous présenter dans quelques secondes, il s'agit du dernier album de Septic Flesh qui porte le nom de Titan. Hein? Pour faire un lien avec ton bloc titanesque et la dernière pièce que tu nous avais choisie de Oceans of Grey. L'album Titan, pour moi, en passant, belle édition en vinyle aussi qui est disponible. Oui, mais cher. Oui, très cher. Très cher. Ouais. C'est pour moi, puis je vais te laisser le loisir de pouvoir le commenter à ton tour après. Moi, c'est un album que j'ai trouvé aussi bon que The Great Mass. Pas plus, pas moins. J'ai donné sensiblement à peu près le même pointage ou cotation, si tu veux, que j'avais fait à l'époque de la sortie de Great Mass. Je trouve que c'est un album qui, oui, comme on disait hors honte, toi puis moi, qui est plus symphonique. Il y a peut-être plus de subtilité dedans, mais je ne le trouve peut-être pas plus puissant, par contre. Toi, qu'en penses-tu? On va le savoir. OK, c'est bon. OK. Bon, vous voyez, il est d'accord avec moi. Pour la puissance, pour l'avoir écouté dans mon char, avec un son assez... avec ton électrophone de voiture, oui, c'est cela, là, tu sais, mon gramophone. Oui. Mais ça doit sauter souvent, hein? C'est pas si pire. J'ai mis des chocs en dessous, là, tout est correct. J'ai mis un 30 sous sur la tête de la lecture. Oui, pour être sûr que c'est... Non, mais c'est un 2 piastres, ça se tord. Ah, ouais, c'est vrai, pour être sûr. D'accord. Non, mais tu sais, dans un cubicule fermé avec un paquet de speakers, puis quand tu t'envoies sur l'autoroute, tu as le temps de te concentrer sur pas mal toute la structure. Tout sauf la voie de toi. Sauf la route, bien sûr. À un moment donné, voyons, mon char est plein de bouettes. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai trouvé que cet album-là était encore plus fignolé que The Great Mass. Okay. Puissance pour puissance. Mais ça... c'est ridicule comme commentaire. On va arrêter ça là. Tu contredis tout ce que je te dis. Puissance pour puissance, oui, c'est pas mal la même affaire, sauf que j'ai trouvé que The Great Mass, les couleurs musicales, puis toutes les textures étaient encore plus rehaussées, c'était mieux. Sur Titan. Sur Titan, oui, okay. Effectivement. L'orchestre symphonique est encore plus présent, mm-hmm. Et plus efficace que sur l'autre. Tu sais, quand t'entends Eberas, tu te cherches ça, tu te font des triples. C'était vrai qu'ils sont assez prédominants. Tu peux partir de la grosse puissance titanique, là, tu viens tout doux. Comme là, un beau comme petit un chat. Beau petit minou. Puis après ça, le minou se transforme en gros, c'est OK. Les ravages de la drogue. Non, c'est pas la drogue. Tu lui as donné combien? Ben, moi, je vais lui donner un 9, là. Tu vas lui donner un 9, ouais? C'est sûr. Bon, ben, moi, je vais lui donner du bacon. Fait qu'il va être content. Il va être correct. Ouais, le minou est content de manger du bacon. On va aller écouter les trois premières pièces de cet album Titan. À l'instant, on va se taper dans l'ordre War in Heaven, Burn et Order of Dracul, qui était le premier single qui est paru il y a quelques mois. J'avais diffusé à l'émission. Je trouve que c'est une très bonne pièce d'ailleurs, donc on va se la taper. La pièce Burn, j'ai trouvé que, tu sais, quand il écrit le Burn, je trouve ça tellement comme un peu psychédélique, un peu weird, là. C'est comme quasiment malsain, là. C'est ça l'est cool. Malsain. Oui, c'est cool. C'est vraiment. Allons-y écouter ces trois pièces Septic Flesh et Go. silence of a headless horror. trois pièces tirées du dernier Celtic Flesh, Titan, qui est paru il y a très peu de temps sur Season of Mist. En fait, je pense que c'est la semaine dernière qui sortait, c'est ça? Ben, il me semble que c'est le 27. Dire ça à l'instant, mon ami, là, c'était le 20. Le 20, bon, c'est en Amérique du Nord qui sort le 27. Bon. J'ai entendu dans l'ordre dans lequel on les écoutait, à l'instant, Harder of Dracul, qui était le premier single, appareil de Celtic Flesh pour cet album, la pièce Burn, et en ouverture d'album, War in Heaven, les trois premières pièces de cet album, Titan, auquel j'ai donné un 8 sur 10. T'es donc ben pas généreux. Je suis... ben pas généreux. Non, t'es vraiment pas généreux. L'ai-je déjà été? C'est l'autre histoire. Ah ouais, dit-il en espagnol. Voilà! ce samedi, au Rock Café Le Stage, chic cabaret Rock Café Le Stage, oui. Vous pourrez voir les formations suivantes. Havoc, Wretched, Hellborn avec Sinistros, mon camarade ici présent, et Satanic Glue Sniffer. C'est le 28, ce samedi. L'ouverture des portes est à 19h. Le spectacle est à 20h. C'est pour tous au coût de 15$. Et c'est une production de... District 7 Productions. Voilà. Fait que venez en grand nombre, on risque de vous faire saigner des oreilles. On veut pas saigner des oreilles. Mais vous êtes donc un plate. Ouais, là, je suis pas généreux. Je suis plate. Y a-t-il des qualités, moi? Non. OK. Non, on va en profiter pour vous faire une couple de nouvelles pièces, puis on va vous faire une grosse, grosse surprise. Ah oui? Oui. Vous avez donné 1000$ à tous ceux qui sont là. Non. Ah. Oh. 2000$? OK. On peut pas en savoir plus. Non, okay. L'espoir du show. D'accord. BCI présente ce jeudi 26 juin au Café Campus Conquerors of the World, qui met en vedette effectivement Septic Flesh qu'on vient d'entendre, Flesh God Apocalypse, Black Crown Initiate et Necronomicon. C'est à 18h30. Il en coûtera 20$ et 25$ taxes incluses pour y assister à la billetterie du Café Campus. Leviathy, Tear et Metzatol, c'est ça. Samedi le 18 octobre à 20h au Théâtre Corona. Il en coûtera 20$ et 30$ taxes incluses pour y assister, billetterie du Théâtre Corona. Et Arch Enemy sera en compagnie de Creator, Huntress et Starkill lundi le 27 octobre prochain à 19h au Metropolis. Arch Enemy avec leur nouvelle chanteuse qui est l'ancienne chanteuse de Diagonis, une petite Montréalaise. Absolument, parce que, voyons comment Angela est rendue la gérante du band. Tu vois? Oui. Ah. Ben oui, elle est rendue gérante pour le band. C'est bien drôle. Elle décide d'arrêter de chanter puis de gérer le band. Ben écoute, Angela Grosso, c'est pas une fille de 20 ans. 21. Ouais, c'est ça. Elle est à peine majeure. J'imagine que ça doit être assez meurtrier pour la voix de chanter comme ouais, ça de longue haleine. Donc peut-être qu'elle s'est dit avant de devenir complètement muette, je suis peut-être mieux de passer en arrière de la caméra. Ce qui pourrait être justifiable. Comme des porn stars, finalement. Ben, c'est à cause de la voix, eux autres. Peut-être. Ben oui, peut-être, remarque. C'est sûr, à force de faker. Ben, <c'est... rire> OK, on passe en... Donc, les billets pour Arch Enemy seront en vente. Ils sont en vente depuis le 20 juin. Billets VIP en vente ici. C'est sur le site de BCI. C'est au Metropolis. Et c'est le 27 octobre à 19h au coût de 30,43 et 34,78 plus taxes. Breaking news! Imaginez-vous donc que... Effectivement, j'ai eu une discussion avec les hautes instances avant de m'en venir ici même avec, comme je disais, les hautes instances de Trois-Rivières Metal. Et c'est paru officiellement sur Facebook absolument. Ce soir. Jeff Hull me contacta vers les 18h45 pour me dire « Je te dérange-tu? » « Oui, tu me déranges. » Comme d'habitude. Il dit « Écoute, il dit je vais te donner l'information. Le Trois-Rivières Metal Fest qui sera la 14e édition, ne se tiendra pas en 2014. Il va se tenir le 20 et 21 mars 2015 prochain à la bâtisse industrielle. Ce sont des raisons logistiques qui ont poussé l'organisation à pousser les dates de 6 mois à peu près. Effectivement. Donc, dorénavant, nous devrons, comme Sinistros me le disait, nous devrons compter non pas le nombre de Metal Fest selon l'année, mais bien selon le nombre. On va être complètement mêlé, là. Ouais, mais, Metal Fest 2021, mais c'est le 20e. Hein? On comprend plus rien, moi, là. Donc, il se tiendra bien, il aura bel et bien lieu, mais au mois de mars 2015, soit le 20 et le 21. Voici, j'espère que ça vous a plu comme émission, parce que nous autres, on a plein notre casse, on s'en va. Ouais. Salut! Je me rappelais plus que c'était plate de même. C'est vraiment plate. Honnêtement, là, moi, ça fait 6 mois que je me disais toutes les semaines, maudit que c'est plate. C'est tellement plate que je viens d'en refaire un autre le vendredi. Effectivement, tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que le Rockmaster présentait le vendredi dernier Septic Flesh, présentait 2 pièces. Lui n'a pas vraiment aimé l'album. Bon, tu parles d'un... Voyons, Rockmaster, ça a eu, fait quoi? Écoute, Alain me disait justement qu'il est dans une phase où il écoute un peu moins de métal extrême, ça justifie peut-être la notation. Bon, il est rendu sur le métal gentil, là? Il est rendu sur le ballet. Ah, oui. Du ballet métal, ballet mécanique, OK. Ben, ballet, j'ai pas de détails à savoir de quel acabit c'est. Même pas de balayeuse. Non, le ballet. Ah. Simplement. Côté cinéma, j'ai écouté quelques trucs au fil de la dernière, depuis la dernière édition de Réanimation. J'ai écouté un film de guerre historique qui porte le nom de The Lost Battalion, qui est un film, comme je l'ai dit, historique. C'est pendant la première, tu sais, on fait beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale, mais rarement sur la première. Là, ça s'adresse à la Première Guerre mondiale. Et c'est un bataillon américain qui doit tenir un poste en particulier contre les Allemands. Une ligne qui est vraiment stratégique. Et ça n'est pour un temps très, très, je dirais, restreint. Mais finalement, ça dégénère. Il n'y a pas d'Anglais qui viennent en renfort ni de Français ou quoi que ce soit. Fait qu'ils deviennent hystériques. Oui, en premier pour devenir historique par la suite. C'est ça. Donc, c'est un film auquel je donnais un 7.5 sur 10 parce que c'est un film pour la télé. OK? Mais c'est bien fait. C'est très bien fait. C'est assez meurtrier et assez gore par moment, je dois dire. Mais, simplement parce que je m'intéresse au sujet. Et puis que c'est quand même, je dirais, c'était décisif dans la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Donc, The Lost Battalion, je donnais un 7.5 sur 10. Écoute, il y a un autre film, t'as dû te rendre compte au fil des dernières années, il y avait une espèce de d'engouement pour les films de zombies. Oui. Mais il y en a principalement pour les films de zombies qui ont rapport avec les nazis et la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ils sont pas tous bons. Il y en a que j'ai trouvé avec un certain charme, souvent des films de série B, mais celui-là, Code Red, qui est un film qui semble avoir une tendance bolchevique comme production. C'est vraiment plate. C'est plate. Ça raconte l'histoire que lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont voulu envahir Stalingrad et la Russie, bien Staline a déployé une arme chimique qui rendait les gens morts et zombies, si on veut. Et 50 ans plus tard, il décide de la réutiliser. Mais c'est d'une longueur pathétique. C'est vraiment pas très intéressant. Il y a quelques scènes intéressantes au début du film qui se passe vraiment dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que j'ai donné un 3.5 sur 10 parce que pour le reste, ça vaut pas de la chenoute. Une série que tu aurais peut-être pensé à regarder, c'est From Dusk Till Dawn, la série de Robert Rodriguez d'après son film. Okay. C'est fort intéressant. Un film que j'ai écouté qui n'a aucun rapport avec ce que j'écoute habituellement, qui est une comédie dramatique qui porte le nom de Grand Budapest Hotel. C'est vraiment cool. Il y a une bonne brochette de... je dirais de d'acteurs comme Ralph Fiennes, qui jouait Voldemort, entre autres. Dans oui, Gallon. Mais là, il n'y a pas vraiment le même costume. Ah. Mais ça raconte l'histoire de ce personnage qui porte le nom de Gustave H. D'ailleurs, ça met en propos le fait que grand-mère voulait rencontrer Gustave, qui est l'espèce de tenancier, homme à tout faire, homme de confiance de cet hôtel qui a effectivement existé à Budapest. Et qui est rencontré par un jeune qui veut devenir groom et il lui raconte comment l'historique de l'hôtel, mais par bout c'est vraiment drôle là. Puis ici c'est très peu habituel, c'est très peu conformiste comme film. Moi j'ai aimé le film, j'ai donné 7.5 sur 10, mais honnêtement ça s'adresse pas à tout le monde, je pense. Faut être intelligent comme moi pour comprendre. Ok, donc écoutez ça pour sa personne. Pas toi non plus, surtout pas toi. Aïe aïe aïe. J'ai pas eu le temps de la commenter encore, j'ai commencé la 4e saison de Game of Thrones, dont je sais que tu es un fervent fan, toi aussi. Et je dois te dire que jusqu'à présent, je vais poster la chronique cette semaine sur le site de Réanimation. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Tu sais que les personnages des 3 premières saisons sont foncièrement tordus et conspirateurs. Non. Eh bien, t'as rien vu encore. Ah. Parce qu'ils sont vraiment complètement evil. Ils sont totalement déjanté. C'est hallucinant de voir aller ça. Là, c'est vraiment là. Si c'est basé sur une historique qui se tient, je te dirais quelque part, j'aurais jamais voulu vivre à cette époque-là. C'est vraiment trop débile, trop dément. Donc, Game of Thrones, saison 4, David Benioff, entre autres, et D.B. West, ça, c'est vraiment excellent. Je vous le recommande. Un film que tu devrais voir, c'est Lone Survivor. Ça, faut vraiment que tu vois ce film-là. Avec Mark Wahlberg. C'est vraiment bon. C'est un film de guerre, biographique aussi, qui se passe avec des Navy SEALs. C'est vraiment hot. Tu devrais aimer ça. Il y a énormément d'action, mais c'est une histoire vécue aussi, là. C'est très, très bien. Mets-tu beaucoup l'emphase sur le côté guerre ou? Fait que j'ai bien de la misère. Il y a des affrontements, mais tu sais, c'est avec des chiites. Fait que donc, c'est des petits groupes. Eux autres ne sont que 6, là. Okay. Ils sont parachutés dans un endroit particulier pour éliminer un chef, excuse-moi, un taliban, je crois. Et ils sont laissés à eux-mêmes dans un endroit où il n'y a plus aucune communication radio. Et ils se font assaillir et prendre partie par ces troupes-là qui sont extrémistes. Oui, ça se canarde, mais ce n'est pas uniquement ça. Puis c'est vraiment un très bon film. Je dois dire que Mark Wahlberg, généralement parlant, ben, il a bien fait de pêcheur, ce gars-là. Oui, c'est ça. Il a bien choisi sa carrière. Tout à fait. Et le film que je vais conseiller de revoir ou de découvrir cette semaine, c'est Punisher Warzone. C'est le deuxième de cette saga de Marvel, parce que le premier avait été joué par Thomas Jane. Ici, c'est Ray Stevenson, que t'as bien aimé dans Rome. Oui. Qui joue le rôle du Punisher. Puis c'est excellent comme film. C'est vraiment... C'était les films de super-héros. Celui-là est très violent, par contre, là. Ouais, ça bûche un peu. Ça bûche un peu. Moi, j'ai réécouté ce film-là il y a peu de temps, puis j'ai dit, waouh, c'est encore aussi bon. Je lui donne un 8.5 sur 10. Warzone, un Punisher Warzone, je le vous le recommande. On va aller faire un tour avec les choix du gobelin, c'est-à-dire... pas du death metal. Non, pas de ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, mais qu'est-ce que t'as fait là, oui? Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai programmé un... j'aurais dû mettre du black en fin de compte. Je suis tellement content quand j'ai vu ta playlist de dire, ben, il a pas passé. Non, j'ai pensé rien qu'à moi, là. C'est une bonne chose. Oui. Je vois encore j'ai été très égoïste sur ce coup-là. Je vois encore que tu as le cœur sur la main. D'ailleurs, je voulais te dire qu'il venait de tomber à terre. Ben, on va le laisser traîner dans la poussière un peu. Prochaine fois, m'en souvenir. Qu'est-ce qu'on va entendre? Suffocation avec Eminem Rat qui est tiré du dernier album Pineapple of Badland. Badland, oui. Alors, Pineapple of Bethlehem qui est paru en 2013 sur Nuclear Blast. Ça sera suivi de Chrysion, Isles of Bullets, Vomitory et Cold Worker. Ça s'annonce. Qui, comme par hasard, Vomitory et Cold Worker sont deux formations désormais défuntes. Qui n'existent plus, effectivement. Non, fini. Ben, on va aller se taper ça immédiatement. Allons-y. Go. We'll be right back.

Ça, c'est une de mes préférées de l'album. Ouais, très, très bonne, celle-là. C'est tout. C'est ça. C'est ça, je disais. Ouais, elle était très, très bonne, celle-là. Ah, vous voulez savoir c'est quoi? Ah! Ah! Vomitory des Wilburn, c'est paru sur le dernier album à vie de la formation. Ouais. Opus Mortis 8, qui est paru en 2011 sur Metal Blade. Vomitory a annoncé vers la fin de 2012 qu'il prenait 2013 pour faire le tournée d'adieu. Ouais. Puis ben là, 2014, il est arrivé, là, il liquide toutes les marchandises, tout ce qui reste à rabais et tout et tout. Jusqu'à temps qu'il fasse comme plein d'autres bandes dans 3, 4, 5, 10 ans, décide de se reformer. Ouais, c'est ça. C'est en plein. C'est à voir. Tout juste avant, on a eu Hails of Bolette. Avec Martin Van Dronen. J'adore ce vocal-là. Ouais. Qu'on peut entendre aussi dans Asphyx et dans Grand Supreme Blood Court. Ouais. La pièce est pour le mérite. C'est paru sur l'album Tree de Rommel Chronicles. C'est paru en 2013 sur Metal Blade. Tu sais que tu te rappelles, c'est un de mes tops, ça, 2013. Oui. Ouais. Ben, c'est un très bon album, effectivement. Moi, j'ai les deux autres albums avant. Moi aussi. C'est dans le même genre, mais le premier était comme légèrement pas mal moins bon. Là. Ben, c'était peut-être un petit le temps qui se place un peu. Cryzion avec Blood of Lions, qui est paru sur la dernière parution de la formation The Great Execution, que ça s'appelait, c'est paru en 2011. Ben, il s'appelle encore demain. Ben ouais, mais là, à moins qu'il décide de changer le titre. Là, très puissant comme pièce. Oui, Suffocation avec Eminem Wrapped, qui est paru sur Pinnacle of Bedlam en 2013, sur Nuclear Blast. La semaine prochaine, le 1er juillet 2014, il n'y a pas d'émission de réanimation. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la misère à te remettre de celle-ci. Bon, ben à ce compte-là, il n'y a plus d'émission de 2014. Non, effectivement, l'émission se faisait. Ouais, mais pourquoi il fait ça le 24, il ne fait pas le 1er? C'est pas de tes affaires. Bon. C'est non, parce que le 24. Lis entre les lignes. Ben, ah, voilà. Vous ne voyez pas, OK, non, c'est correct. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais l'opportunité de faire l'émission ce soir avec Sinistros. Je voulais absolument le faire. La semaine prochaine, le 1er. Non, c'est un congé. Donc, j'ai décidé qu'ils étaient congés pour moi aussi. Je serai de retour le 8. Donc, à partir du 8, il restera deux éditions de réanimation, le 8 et le 15, avant la pause estivale. Avant de terminer, parce qu'il nous reste une pièce qui est un des choix de Sinistros, je voudrais prendre la peine de te remercier d'être venu ce soir. C'était vraiment cool. Ça arrivera pas souvent, mais non, je quand le sais. Ça va arriver, on va s'arranger pour être au rendez-vous. Ben, c'est super le fun, puis j'ai vraiment apprécié ta co-animation. Puis écoute, tu sais. C'est cool, que... on n'a pas trop perdu, mais c'est bon. Non, écoute, c'est toujours aussi plate que c'était. C'est ça. J'espère que l'opportunité va se présenter, puis tu sais, t'es toujours bienvenu. Excellente. On va se quitter sur une dernière pièce de tes choix. Ben, Cold Worker, grosse formation qui a mis fin à ses activités cette année. Il voulait faire place à autre chose. Ben, Cold Worker, c'était pas eux qui étaient des Émirats. Non, ils viennent de la Suède. C'était qui venait des Émirats déjà? Perversion. Non, un autre band qui sont maintenant à Toronto. Ah, Deshelium. Ah, voilà, c'est ça. C'est cela. OK, excuse-moi. Alors, Cold Worker, avec leur dernier album, The Doomsayer's Call, la pièce est Flesh World, c'est paru sur Listenable Records en 2012. Alors, sur ce... Ben, écoute, à la prochaine pour toi. Oui. Mais les autres à l'autre bout... Ben, allez tous vous faire foutre. Absolument. Yeah. See you, bye.